De Paris présente le Barbier de Séville. Le 19 novembre, les aventuriers voyageurs en Turquie. Du 27 au 30 novembre, les sommets du cinéma d'animation 2014. Et du 28 novembre au 4 décembre, ne manquez pas la 5e édition du Festival du film roumain. Pour les fêtes, offrez le rire, le drame et le suspense en cadeau grâce à nos abonnements et nos cartes cadeaux en vente sur place ou sur notre site Internet. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices, amateurs et amateurs de rock progressif. Bienvenue à l'émission Terra Incognita en ce samedi soir. Alors, c'est Bruno Côté à la mise en onde et Marc Chaunet au choix musical et à l'animation. Alors, je vous ai concocté un 2 heures de bon rock progressif avec quelques nouveautés. On va débuter avec 2 albums qui sont parus cette semaine. Le premier, c'est un groupe suédois. Je vous parlais de Gratuit Suédois, ça m'a fait penser que, vous savez, on vous a parlé de la convention Terra Incognita qui aura lieu les 16 et 17 mai 2015 au Centre d'Art La Chapelle. On vous a parlé d'Anecdoton, qui est le groupe qui terminera la journée du samedi. Elephants of Scotland, qui a été confirmé pour débuter le samedi. Et j'ai eu une petite information aujourd'hui. Donc, le groupe Frog Café va débuter le dimanche. C'est un groupe du Rhode Island, ou Long Island plutôt, oui, près de New York. Et ils ont réalisé 5 albums. C'est un groupe qui, au départ, faisait un hommage à Frank Zappa. Alors, vous imaginez que c'est des bons musiciens. C'est un jazz rock avec beaucoup d'énergie. Et ils ont fait plusieurs festivals. J'en ai déjà entendu parler. J'ai pas d'album, mais ça nous permettra de les découvrir donc le 17 mai prochain. Ça, c'est la petite nouvelle du jour. Et je pense que, en tout cas, j'imagine qu'on devrait en savoir plus là, peut-être la semaine prochaine ou dans le courant des 2 prochaines semaines sur les groupes qui seront de la convention Terra Incognita. Les billets sont déjà en vente, là, au moins pour la journée du samedi. En contactant le Centre d'Art La Chapelle. Alors, on va débuter avec, comme je le disais, une nouveauté, un groupe suédois, Kaipa. C'est un groupe qui débutait dans les années 70. Au début, il y avait Roy Stolt, qui était guitariste de Kaipa, à partir de 75, le premier disque. Et ensuite, il a fondé The Flower Kings. Kaipa a poursuivi sa route sans Roy Stolt depuis plusieurs années. Donc, l'album s'intitule Satig, S-A-T-T-Y-G. C'est distribué sur Inside Out. Alors, c'est un bon album dynamique, beaucoup de claviers dynamiques, de bon gros rock progressif, comme on dit, mais aussi des parties celtiques avec du violon, des flûtes. Il y a un chanteur qui a un thème de voix qui fait penser un peu à Freddie Mercury de Queen. Vous allez voir peut-être dans la pièce, ça va vous dire quelque chose. Dans cette pièce, il y a également une chanteuse qu'on entend dans ça. Donc, on y va d'une première pièce qui porte le titre « Screwed Upness » de Kaipa. Et on va suivre ça avec Pink Floyd. On a entendu assez parler récemment. Donc, ça paraissait officiellement lundi cette semaine. « The Endless River » qui, comme vous le savez, est un album surtout instrumental, sauf la dernière pièce, « Lord of the Words » que j'avais fait jouer il y a quelques semaines, le mois dernier. qui était la pièce de primeur, mais qui est assez différente du reste du disque. Hein. C'est un hommage donc à Richard Wright, le claviériste de Pink Floyd. Et l'album se présente, c'est une belle pochette, tout ça, c'est une belle production. Les médias sociaux en ont parlé tellement en mal que quand je l'ai écouté, finalement, je me suis dit, wow, c'est quand même pas mauvais. Et ça s'écoute bien. J'ai choisi un extrait. Donc, en fait, c'est comme... C'est séparé en quatre parties, puisque le vinyle serait sur un album double, donc quatre faces. Et ce que j'ai choisi, c'est un extrait de la face 3, avec trois pièces intitulées « Allons-y 1 », au tome 68 et « Allons-y 2 ». Ça a une consonance francophone, mais ben, c'est instrumental. C'est un album qui, si vous êtes amateur de Pink Floyd, ça s'écoute comme du Pink Floyd, mais c'est que des pièces qui ont été un peu des jams qui ont été arrangées, mais on sent l'esprit. Disons que ce sera pas l'album de l'année pour la plupart des gens, j'ai l'impression. En tout cas, donc on y va avec Kaipa, ensuite Pink Floyd, et on terminera ça avec Nick Magnus, qui était le claviériste de Steve Hackett pendant des années, là, jusqu'à Spectral Morning, Cured, et c'est son plus récent album, Mnemonics, et on aura la pièce Time. Alors, on y va tout de suite, Kaipa, Pink Floyd et Nick Magnus.

allows the communication of ideas, enabling human beings to work together to build the impossible. Mankind's greatest achievements have come about by torture. Our greatest hopes could become reality in the future. With the technology at our disposal, the possibilities are unbounded. Le groupe Pink Floyd, que vous avez probablement reconnu, tiré de leur plus récent album The Endless River. Alors, c'était un extrait de ce qui s'appelle Side 3, avec les pièces Allons-y 1, Autumn 68, Allons-y 2 et Talking R. Quinn. Et sur ça, il y a Stephen R. King, qui est un astrophysicien dont on pouvait entendre la voix. Et sur Autumn 68, c'est une partie d'orgue qui a été enregistrée en 1968 au Royal Albert Hall, avec leur orgue à tuyaux. C'est un hommage donc à Rick Wright, cet album, The Endless River, c'est instrumental. Et c'est dans cette ambiance-là tout le long, sauf la pièce de Louder Than Words qui est chantée, celle qu'on avait fait jouer le mois dernier, en exclusivité, pas en exclusivité, mais en primeur, si on veut, parce que c'est sorti en 45 tours. Alors, c'est paru cette semaine, et c'est une belle pochette, la sonorité est excellente. Donc, Pink Floyd est... Et juste avant, on avait débuté avec Kaipa de la Suède, tiré de Satig, le plus récent album. Alors, on y va avec une petite pause et au retour, un bloc italien avec le groupe Latte e Miele qui avait réalisé l'album en 1973, Passio Secondum Matteum, La Passion selon Saint Matthieu. C'est basé sur la Bible. C'est l'histoire de Jésus. Il y a de la narration dans ça, puis du rock progressif. Ça a été réenregistré au complet, donc, et ça, c'est The Complete Work. Et il y a des chœurs dans ça. Il y a plusieurs pièces nouvelles qui n'étaient pas sur l'édition originale, au moins 5. Il y a dans les chœurs la chanteuse, celle qui chante, mais qui chante pas dans le groupe Il Tempio delle Clessidre, mais qui est la claviériste, entre autres. Il y a un paquet de musiciens invités pour les chœurs, ce qu'ils appellent évangélistes narrateurs. Alors, on aura un extrait. La façon que ça fonctionne, cet album-là, c'est expliquer l'histoire de la Bible, l'histoire de Jésus, si on veut. Et puis, c'est entrecoupé de pièces musicales. Alors, on aura un extrait de quelques pièces, les trois premières pièces, en fait, de cet album-là. On y va tout de suite en pause, puis on va y aller avec ça. Passio Secondum Matteum. Puis, on aura également, ensuite, dans l'italien... deux autres groupes italiens qui sont sur Decameron, 10 Days in 100 of Hellas Part 2, et sur les disques 3 et 4, là, des extraits que, en fait, je pense que Jean-François puis Michel vous en ont fait jouer déjà des extraits des disques 1 et 2, et ce sera des groupes peu connus. Un groupe un peu plus connu, Narrow Pass, et le second, Piccolo Zoo. Tiré de Decameron. Alors, un beau petit bloc italien au retour de la pause avec Latte e Miele, Narrow Pass et Piccolo Zoo. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Êtes-vous préoccupé par le devenir de la radiophonie québécoise? Venez participer à la journée d'études sur la radiophonie québécoise, Radioactif, de la pratique à la fabrique de la radio, le 28 novembre à l'Université Laval.

Il primo giorno degli azimi, i discepoli e Gesù preparavano la Pasqua. Il pane che tu spezzerai sarà il tuo corpo diviso per noi. Quando fu sera, Gesù si mise a tavola insieme ai discepoli e mentre mangiavano disse: uno di voi dopo mi tradirà. E molto rattristati presero a dirgli uno dopo l'altro: Giuda, che lo tradiva, disse: son forse io, sì.